Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Avortement, le pouvoir du médecin. Une série de Johanna Bedeau réalisée par Angélique Thibault. Au départ de cette série, il y a la journée du 8 mars qui scrute les droits des femmes et ce constat que parfois ces droits qu'on croyait acquis semblent nous glisser entre les doigts. Et cette satanée clause de conscience. Alors pour commencer, les personnages. Une médecin qui refuse, une gynécologue qui comprend, un gynécologue qui juge, des médecins qui ne savent plus comment faire, une militante qui constate, une gynécologue qui fait un constat inquiétant, des chercheurs et une philosophe vigilante. Ensuite, le décor. De la douceur, des anesthésies, des images qui marquent, la loi, des convictions religieuses, le mlac, des plannings, des soins, le sale boulot, la virginité et un droit remis en cause. Aujourd'hui, deuxième épisode, un avis d'Italie. Io vi domando. Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? Avortement, le pouvoir du médecin, la clause de conscience. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo svolgimento? Come un atto che supprime una vita innocente e senza difesa peut-il être thérapeutique, civil ou simplement humain? Je vous le demande. È giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema? Cosa pensate voi? È giusto? È giusto o no? È giusto affittare un sicario per risolvere un problema? Est-ce juste de mettre fin à une vie humaine pour résoudre un problème? Qu'en pensez-vous? C'est juste? Non, si può. Non è giusto. C'est juste ou non? Fare fuori. Est-il juste d'avoir umano. Recours à un tueur à gages pour résoudre un problème? Per risolvere un problème. Ce n'est pas possible. E come ce n'est pas juste de tuer un être humain per risolvere encore tout un petit problème. Pour résoudre un problème. À chaque fois. Tu vois, sur le programme du lundi, tu as le lundi là, c'est un médecin qui a une clause de conscience, donc qui pose pas de, qui fait pas d'interruption de grossesse. Donc on est obligé de trouver un remplaçant pour venir faire les interruptions de grossesse programmées ce jour-là. Le mardi, on est obligé de trouver encore quelqu'un d'autre. Ensuite, le mercredi, un médecin qui ne pratique pas l'interruption de grossesse, on est obligé de trouver un médecin remplaçant pour que les femmes puissent bénéficier quand même d'interruption de grossesse ce jour-là. Jeudi, médecin ne pratique pas. Pardon ? T'as des personnes pour aller déjà ? Muriel me dit que tu fais la gueule à cause des IVG. Reda Sissala, médecin au centre de planification familiale de la maternité des villes. J'ai pas de secrétaire. C'est ça. Son problème, c'est de pas avoir de secrétaire. Les IVG sont pas un problème. Je sors de garde, mais j'ai dit que je montais les faire. Je vais les faire. J'ai pas arrêté ça. T'étais contrarié ou mais c'est... Pas du tout. J'ai pas le secrétariat. J'ai pas de médicaments pour donner la MIFI. Je descends au secrétariat. On a plus de secrétaire. On a plus de secrétaire. Non, mais c'est pour ça. C'est Anne qui sort de garde, qui va les faire. Hein. Écoute, le médecin qui est de garde au bloc du bloc est docteur Sanga, qui fait pas d'IVG. Parce qu'Anne avait une réunion, on fait bien s'y mettre ça. Vous avez fait des accouchements cette nuit? Oui, il y a eu un petit peu, ouais, il y a eu de l'activité, mais pas démentielle. Un peu plus hier dans la journée. Non, je sais pas pourquoi je suis arrêtée, j'étais plus troisième. Merci. Et on va aller s'installer. Vous voulez partir de toilette? Parfait. Est-ce que vous avez des problèmes d'allergie? Non. Vous êtes bien agent, t'as dit, t'as mangé ta fille? Oui. Depuis quand? Depuis midi. Parfait. Vous pouvez vous installer la tête vers la collègue. Il y a bien quelqu'un qui vient vous chercher. Oui. Parfait. Alors, je me permets, Richard, faut juste soulever un petit peu les fesses, sortir la blouse, descendez les fesses plus bas, hop, et allongez les jambes. Oui. Ça va, vous n'avez pas froid? Pas trop froid? Non, ça va. Voilà, vous allez sentir dans votre main qu'il se met, en fait. Et dans la pleure, vous commencez à laisser des trucs sur votre cœur. Et puis, comme ça, vous nous entendez, vous allez l'entendre régulièrement, d'accord? Parce que je vais rajouter un petit peu d'oxygène dans le masque, tout simplement. Okay. Ce que vous pouvez faire, c'est respirer tranquillement. Le brassard est en train de desserrer. Voilà, vous respirez normalement, vous gardez les yeux fermés ouverts. Si vous avez envie de bailler, vous pouvez le faire dans le masque, c'est pas gênant. Voilà, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on se réveille quand on s'endort. Le dos, les fesses, les oreilles. On a commencé un petit peu l'anesthésie, on se pète la tête, on commence à tourner, vous avez déjà un petit peu envie de dormir. Voilà. Il se peut que vous ressentiez de la chaleur dans le bras. Voilà, vous allez voir, ça va s'estomper. Continuez à respirer tranquillement. Très bien. Vous êtes en train de vous endormir comme le soir à la maison. Il revenait, il faut. Tout le temps. Il revenait, les images me hantent. Les images me reviennent. Et comme moi, pendant 3 nuits d'affilée, ça m'était revenu. Maud. Et ben, elle, c'était. Infirmière. Et elle me le disait, les collègues, elles en faisaient, mais elle me disait, personne n'aime faire ça. En fait, on est tous dans la même galère, c'est le sale boulot, quoi. Faut le faire, on le fait, mais voilà. Et moi, je voulais pas le faire. Donc, vous voyez, il y a un truc où... Parce que je me disais, bah, moi, je me donne le luxe de dire un non. Puis nos collègues, on les aime bien. Donc, on se dit, la pauvre, voilà, quoi. À bientôt, alors, bravo. Et puis, ça arrive régulièrement dans les blocs que des collègues qui sont enceintes disent, moi, je suis enceinte, j'en fais pas. Ça projette trop, quoi. Et moi, c'était pas possible. Madame Ivos. Franchement, à 17 ans, c'est chaud, hein, de voir arriver une petite jeune femme, de faire l'échographie, et voilà. Et puis ensuite, il y a l'échographie de contrôle, un mois après, il n'y a plus rien, enfin... En plus, c'est dans des services de gynéco, donc il y a aussi des couples qui arrivent qui peuvent pas avoir d'enfants, qui luttent depuis des années. Et je me souviens de trucs comme ça qui m'avaient vachement choquée, et pourtant c'était il y a longtemps. Hein. Ensuite, j'ai fait un stage en mater, et je pense que là, ça a été le vrai déclic qui m'a fait dire jamais, en fait. Et c'est-à-dire que j'avais suivi une femme qui était enceinte, et elle avait déjà un beau ventre, vous voyez, et elle arrive pour une amniosynthèse. Elle était un peu inquiète, à la fois heureuse de la grossesse, enfin... Ils ont fait un cariotype parce qu'en fait, il y avait un doute de trisomie, et l'enfant, le cariotype est revenu, l'enfant était trisomique. Et en fin de stage, elle est revenue pour une IMG, donc c'est interruption médicale de grossesse. Et là, en fait, il n'y a pas de limite pour l'IMG. Ça peut être même être à 9 mois plein, quoi. Et donc, les bébés sont gros, en fait. C'est, voilà. Et c'était... c'était hyper lourd, quoi, hyper lourd. Et puis, presque la chambre toute blanche, on avait froid rien qu'en rentrant, tellement l'ambiance était lourde. Et le papa, il était tourné vers la fenêtre, il avait la tête baissée. Elle avait un regard, mais triste. C'était, voilà. Et puis, moi, j'avais une collègue le matin dans les vestiaires qui avait dit, oh, bah, moi, je suis sur les... Et la phrase comme ça, moi, je suis sur les histoires pas drôles ce matin, mais faut bien le faire. La fin de mon tour... J'avais pris toutes les tensions, les machins, les trucs. Je passe les portes de bloc opératoire, ces grosses portes battantes, coupe-feu, là. Je rentre dedans et la salle d'IVG, je savais laquelle était, donc je rentre tout doucement, je passe la tête, et puis tout était rangé, propre, nettoyé, il n'y avait plus rien, les sacs poubelles fermés, tout ça. Et je vois la collègue au fond qui terminait des papiers. Elle m'a regardée, elle m'a dit « t'as besoin de le voir, c'est ça ?» Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit « bah ouais, je crois, ouais ». Et donc je me suis approchée et là, elle a ouvert un gros seau en plastique. Et dedans, il y avait un bébé qui était magnifique, qui était superbe, qui était tout recroquevillé sur lui-même, qui avait les yeux fermés, qui avait la peau toute translucide. Et il était magnifique, quoi. Une petite bouche ouverte, comme des petits pétales de rose tout bombés, là. Et moi, j'aurais bien aimé, mais il était mort, mais j'aurais bien aimé le prendre dans mes bras presque, vous voyez, de me dire, bah, un bébé, ça doit être calme, quoi, ça doit pas finir dans un seau en plastique froid, dans un bloc opératoire, tout nu comme ça, alors qu'on caille, nous, dans un bloc opératoire. Et même s'il était mort, j'avais presque envie de l'habiller, de, vous voyez, du voilà. Et puis, elle a refermé le seau. Puis là, on se dit, bah, dedans, il y a un bébé, quoi. Puis il va partir au labo et elle traverse les couloirs et personne ne sait et ça passe, mais il y a un bébé, en fait, qui est dedans et il y a une histoire qui s'est arrêtée là, quoi. Et ça, ça a été. Il a été là le vrai déclic. Tout le temps. Il revenait, les images me hantent. Les images me reviennent. Anne Bourguin, médecin-chef de la maternité des Lilas, gynécologue obstétricienne. Ici, où je suis arrivée enceinte et j'ai travaillé donc du coup jusqu'aux 6-8 mois de grossesse. Et ensuite, je suis partie en congé maternité. Quand je suis arrivée ici, donc je ne faisais pas d'IVG. Au retour de mon congé maternité... Pourquoi vous ne faisiez pas d'IVG ? Parce que ça me gênait. D'abord, dans le cadre de notre formation, là où j'étais formée, on ne faisait pas d'IVG. Les internes ne faisaient pas d'IVG. Donc, on avait appris à faire les aspirations des grossesses arrêtées. Mais j'avais jamais vraiment fait d'aspiration d'IVG. Et c'est un geste qui me perturbait un peu sans être défavorable à l'IVG. C'était pas un geste que j'avais envie de faire. Et à l'époque, la chef de service m'avait demandé si je faisais des IVG, et j'avais répondu non. Donc quand je suis arrivée ici, c'était acquis que je ne faisais pas d'IVG. J'avais été embauchée en ne faisant pas d'IVG. Lila. Excusez-moi. Vous avez la clé, là, sur la porte ? Ouais, c'est pas grave. Personne va me la voler ici, personne ne piquera. Et du coup, voilà, quand je suis revenue de mon congé maternité en 2017... Donc du coup, j'ai commencé à faire des IVG. Et c'était plus facile aussi. Une fois qu'on a eu son parcours de maman, exactement. Le fait d'avoir eu mes deux enfants, je me sentais plus libre dans la réalisation de ce geste qui n'est pas simple. Il n'y a pas une obligation, quand on est embauché en tant que gynécologue obstétricienne, de pratiquer des IVG. Il n'y a pas d'obligation du tout. Après, ici, c'est quand même une culture du service, la pratique de l'IVG à la maternité des Lilas. Donc, c'est vrai que la question se pose un peu plus qu'ailleurs. Alors que finalement, ailleurs, il y a beaucoup de médecins généralistes qui sont embauchés pour faire des IVG. Et les gynécologues obstétriciens n'interviennent qu'en cas de complications. Et donc, on n'est pas nécessairement confronté à la réalisation des IVG dans le quotidien. Ici, ça fait vraiment partie de l'activité quotidienne du service, mais le recrutement de gynéco est suffisamment difficile pour pas se permettre de faire la fine bouche entre un gynéco qui fait des IVG ou un gynéco qui n'en fait pas, puisqu'il y a une pénurie très importante des praticiens de gynécologie obstétrique. Au niveau organisationnel, il est évident que la clause de conscience me pose problème, parce que je me retrouve confrontée régulièrement à des dames que j'ai du mal à programmer, parce que il y a la clause de conscience des gynécos, mais aussi il y a d'autres paramètres. Par exemple, un anesthésiste ne va pas accepter de s'occuper d'une IVG s'il n'a pas d'infirmier anesthésiste. Or, nous, on n'a pas des infirmiers anesthésistes à temps plein ici. Et du coup, ça fait, pour les gens qui s'occupent de la programmation des IVG, ça fait beaucoup de paramètres à mettre en balance pour pouvoir programmer concrètement une IVG. Après, à titre personnel et éthique, je suis persuadée qu'il faut maintenir cette clause de conscience, même si elle me met en difficulté. On n'est pas juste un médecin, on est un médecin avec notre propre éducation, avec notre propre culture religieuse, qui a un poids énorme sur les médecins. Il ne faut pas oublier aussi que beaucoup de services en France fonctionnent grâce à des médecins étrangers, et que ces médecins étrangers ont souvent une culture religieuse qui est plus importante, plus prégnante dans la société qu'elle ne l'est en France, et qu'on ne peut pas leur demander de faire abstraction de ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, si nous n'avions pas ces médecins formés à l'étranger qui travaillaient en France, les structures médicales ne fonctionneraient plus. Voilà, je me positionne en tant que médecin. On est quand même formé à accompagner plus les femmes à accoucher, à mettre des enfants au monde, qu'à arrêter une grossesse. Et c'est pas un geste qui est banal, parce que on met quand même une canule dans une cavité qui contient un enfant en devenir. Ça reste un embryon, mais c'est quand même un enfant en devenir. Et du coup, réaliser ce geste en lui-même est pas nécessairement simple psychologiquement. Quand je vois le bonheur que chez moi ça a représenté d'avoir des enfants, j'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse interrompre une grossesse. Et puis alors, à titre personnel, j'ai tellement le sentiment qu'être enceinte c'est une chance, que du coup, quand je suis en phase d'une IVG, j'ai toujours un petit sentiment de... Alors que c'est pas moi que ça concerne, parce que finalement c'est mon histoire à moi, mais un petit sentiment de frustration, parce que moi j'ai pas fait encore... Je pense que j'ai pas encore rempli mon désir complet de maternité. Et que peut-être sera plus simple encore pour moi de faire les IVG le jour où j'aurai eu le nombre d'enfants que j'espère avoir. C'est quoi le nombre d'enfants que vous avez? Quand j'ai connu mon mari, je lui ai dit que j'en voulais 10. Et pour l'instant, on en est à 2, donc on a encore de la marge. Je suis pas toute jeune, donc voilà. Vous avez quel âge? J'ai 37 ans. Ça laisse pas énormément de temps chez les gynécos, on est vu à partir de 35. Voilà. Donc du coup, oui, je pense que le fait, à un moment donné, d'avoir rempli mon désir complet de maternité, ce sera beaucoup plus simple pour moi de faire des IVG, parce que j'aurai pas cette projection constante. De venir. Voilà. L'interruption volontaire de grossesse, un droit pour la femme depuis la loi Veil du 17 janvier 1975. Mais le médecin, lui, a le droit de refuser de pratiquer cette IVG s'il invoque la clause de conscience. C'est le code de santé publique qui la décrète. Un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais il doit informer sans délai l'intéressé. Et il y a une contrepartie. En pratique, la femme qui souhaite avorter va chez son gynécologue. S'il lui oppose un refus, il a le droit. il a le devoir de l'adresser à un autre médecin qui, lui, pratiquera l'IVG. Un débat a été lancé mi-septembre après les propos polémiques d'un gynécologue au sujet de la clause de conscience. Vous êtes gynécologue ? Oui. Vous pratiquez donc l'IVG ? J'ai pratiqué, oui. Et plus ? Je ne pratique plus l'IVG actuellement, effectivement, déjà depuis de nombreuses années. Bertrand de Rochambeau, au micro de Valentine Auberti. Vos auditeurs et vos spectateurs, je parle en tant que président du syndicat des gynécologues obstétriciens de France. Oui, mais vous êtes médecin ? Vous faites jouer votre clause de conscience sur le fait de ne plus pratiquer l'IVG ? Exactement. Et donc, j'ai le choix. Vous savez, je suis un médecin libéral. En tant que médecin libéral, j'exerce la médecine librement, selon ma déontologie, parce que l'IVG est un acte spécifique, un acte qui retire une vie pour aider une autre personne, eh bien, on peut comprendre, puisqu'on retire une vie, nous ne sommes pas là pour retirer des vies. Et que la majorité des médecins soient réticents à le faire, moi, je le comprends très bien. Et quand vous dites retirer une vie à un enfant à naître n'est pas une vie au sens juridique, c'est pas un homicide de faire un IVG ? Si, madame. Non, au sens du code pénal, c'est pas ça. C'est faux. Ça, c'est un argument. C'est un argument, mais c'est retirer une vie. La vie, elle est là. Demandez à une jeune femme, en début de grossesse, quand elle se sait enceinte, qu'elle est à l'échographie et qu'elle voit son embryon et son fœtus et qu'elle le sent bouger. Vous pouvez dire qu'il n'y a pas de vie. Vous pouvez le dire. Mais elle vous dira qu'il y a la vie. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. La loi, quand elle a été mise aucune en œuvre, était réellement une loi de santé publique. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Et donc, par rapport à ça, il y a eu des négociations entre l'ordre des médecins, parce qu'il y avait quand même beaucoup de médecins qui étaient opposés à l'avortement, et entre aussi l'Église, hein, pour être très, très clair. Et donc, cette clause de conscience, à mon avis, est arrivée en corollaire aussi avec cette notion de détresse. C'est-à-dire que pour pouvoir avorter, il fallait justifier d'une notion de détresse. Véronique Seyé, coprésidente du planning familial. Cela restera toujours un drame. Cette notion de détresse n'a été supprimée qu'en 2014. Hein. Et en 2014, on a supprimé la notion de détresse, et je ne sais pas si vous avez suivi les débats à l'Assemblée nationale au moment de cette suppression de la notion de détresse, débat qui avait été mené par Najat Vallaud-Belkacem à l'époque, hein, qui était ministre, et où on a entendu de nouveau des propos sur l'avortement et sur le droit des femmes qui étaient assez hallucinant aussi, hein, assez monstrueux. Tous les médecins sont tenus de pratiquer, de respecter la loi, comme tout un chacun, bien évidemment. Mais il existe en droit français une clause de conscience qui existe pour tous les actes médicaux et qui est inscrite dans le code de santé publique et dans le code de déontologie médicale et qui autorise les médecins qui, pour conviction philosophique ou religieuse, ont le droit de ne pas prendre en charge une demande d'une personne pour la clause de Nathalie conscience Bajos, générale. Ça couvre tous les champs de la médecine. Démographe, chercheuse santé publique, directrice de recherche à l'INSERM. Générale. Une autre clause de conscience superfétatoire, c'est pour reprendre un terme juridique, c'est-à-dire qui redouble un autre texte de loi, qui est spécifique pour deux actes médicaux, l'avortement et la stérilisation contraceptive. Alors, contrairement à la clause de conscience, parce qu'on peut considérer qu'elle sert à rien, cette clause de conscience, puisqu'il en existe une qui couvre tout. Pourquoi en rajouter une spécifique ? Mais il faut bien voir que d'un point de vue juridique, elles ne sont pas totalement superfétatoires, au sens où la clause de conscience sur l'IVG oblige, et la stérilisation oblige les professionnels de santé, s'ils ne veulent pas pratiquer l'acte, à référer la personne vers un autre professionnel qui le fait. Alors, maintenant qu'on a dit ça, c'est symboliquement très fort, le fait que l'IVG se voit accoler une clause de conscience superfétatoire qui ne sert à rien, encore une fois, dès lors qu'on complète la clause de conscience générale pour obliger à référer à un autre professionnel de santé. Ça fait que l'IVG n'est pas un droit comme les autres. Parce que tous les autres droits, il n'y a pas de clause superfétatoire. Pourquoi il n'y aurait pas une clause superfétatoire pour la prise en charge, je dis volontairement n'importe quoi, de l'infarctus du myocarde ou du cancer du poumon? Ben, un professionnel pourrait être tout à fait argué que ben, la personne, elle a fumé en connaissance de cause pendant 30 ans. Moi, je ne veux pas la prendre en charge parce que c'est contre mes convictions. Et donc, ça a un effet symbolique très important. Et cet effet symbolique, comme il est convoqué par certains médecins, une minorité, il faut surtout pas donner à penser que le corps médical français aujourd'hui est opposé à l'IVG. Mais dans certains cas, cette clause de conscience, elle est invoquée pour ne pas faire des IVG, ce qui est leur droit le plus strict, mais pour ne pas organiser au sein de leur service l'accueil et la prise en charge des IVG. Alors même qu'il existe une circulaire de Martine Aubry qui disait qu'on ne pouvait pas nommer comme chef de service quelqu'un qui faisait valoir la clause de conscience. Si on est contre l'IVG, on est obligé, disait-elle, d'organiser l'accueil des IVG dans un service. La maternité des villages, j'ai commencé par la question de la planification et de l'avortement. Marie-Laure Brival, gynécologue, obstétricienne, anciennement chef du service de la maternité des Lilas. Mais je dirais qu'à la maternité des Lilas, j'ai découvert l'histoire de cette maternité qui existe depuis 1964-65. Et son engagement de l'institution et de son personnel de l'époque, dès le début des luttes et des revendications pour la loi Veil, mais aussi pour la contraception, la maternité des Lilas est un lieu où il y a eu des sessions du MLAC bien avant la loi. Donc toute cette histoire m'a été transmise. Et quand je vois ce qui m'est arrivé au moment, alors que en tant que directrice médicale de l'établissement, j'ai eu à renouveler du fait de départ à la retraite des collègues, puisque les médecins qui travaillaient à la maternité d'Ilila étaient là quasiment depuis le début. Et donc j'ai eu des médecins 35, 40 ans, 37, enfin voilà, des jeunes médecins. Et pour la première fois, j'ai été stupéfaite de voir qu'en 2017, 2018, qu'un médecin sur deux que j'avais en entretien d'embauche, un sur deux me répondait « Ah, je ne fais pas. Pour des raisons qui me sont propres, je ne fais pas d'avortement. Je pose la clause de conscience. » Première fois dans l'histoire des Lilas. Ce qui s'est passé cet été à Bailleul sur Sarthe, dans la Sarthe, depuis janvier 2019, aucune interruption de grossesse. Tous les médecins obstétriciens présents étaient en clause de conscience. Les IVG n'ont repris dans cet hôpital qu'en octobre, 10 mois, dans un pays démocratique, une loi. Et un droit. Et un droit. Après avoir commencé à refuser, j'ai fini par dire, mais je vais pas pouvoir poursuivre comme ça, là, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai dû embaucher des médecins qui opposaient la clause de conscience. Madame, vous pratiquez des... Vous êtes médecin depuis combien de temps? J'ai passé ma thèse en 1986, je vous laisse calculer. Et comment vous positionnez par rapport à la clause de conscience? Alors, j'ai un peu évolué. C'est-à-dire que la clause de conscience, elle me paraît nécessaire. On l'a tous. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire. C'est important que les médecins puissent dire « ça, je ne peux pas faire voilà. ». Comme parfois, nous, il y a des patientes auxquelles on disait « vous voulez une césarienne, mais moi, je pense que vous n'avez aucune raison d'avoir une césarienne. C'est un geste technique, médical, non dénué de complications. » Je ne vais pas vous la faire, mais je vais vous confier à un collègue qui voudra bien vous la faire. Donc ça, c'est la base. Et donc, je me disais, c'est débile d'avoir deux clauses de conscience. Et puis, j'ai compris que, en fait, cette deuxième clause de conscience était protectrice, ce que je n'avais pas du tout compris au début, c'est-à-dire qu'elle imposait au médecin d'orienter la patiente. Et que c'est pour ça qu'il fallait la maintenir, parce que elle, c'était pas seulement « je ne peux pas faire ce geste, mon éthique personnelle me l'interdit », mais « je suis obligée de vous mettre dans les mains de quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de vous ». Et ça, c'est important, parce que quand on voit le parcours des femmes, déjà avoir un rendez-vous avec un gynéco, c'est parfois la croix et la bannière. Donc elles ont déjà perdu du temps, donc elles arrivent chez un médecin. S'il leur dit juste « je fais pas », c'est double peine encore. Elles vont encore perdre des semaines et elles vont arriver peut-être à hors délai. Donc c'est pas possible. Combat qu'on a chaque matin quand on arrive. Pour tout. C'est pour ça que... Les anesthésies. Ouais. Chaque matin. Non, mais depuis quelques... Est-ce que tu arrives un matin, tu te poses pour travailler? Est-ce que tu arrives le matin et tu te poses pour travailler? Non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va devoir résoudre? Corinne Palais. En tout cas, elle est pour les IVG. Psychologue de la maternité des Lilas. Parce que ce sera jamais gagné. Hein. Mais nous, on est une force au sein des Lilas. Quand la clause de conscience... Ouais. Merci, ça c'est bon. Ben non, on ne peut pas obliger un médecin qui ne veut pas faire d'IVG à faire des IVG. Ça serait du n'importe quoi. Sauf si tu considérais que c'est une non-assistance à personne en danger. Tu peux pas, à ce moment-là, ça se positionne pas pareil, mais il faudrait considérer que l'IVG est un soin. Les médecins, ils sont là pour soigner. Et ça m'étonne pas qu'ils répondent ça. C'est-à-dire que l'IVG, c'est à part, c'est pas du soin. Il va rien lui arriver. Ça a toujours été un petit peu à part. Hein. Toujours. Tu regardes les plannings, ils sont toujours dans les coins. Oui, mais parce qu'ils oublient que dans la définition de la santé de l'OMS, la santé psychique, ça fait partie de ce concept-là. Mais les médecins, ils mettent ça, ils l'oublient avec une rapidité déconcertante. Alors que si tu le gardes dans la définition, alors on est dans le soin. On est dans le soin. Ben oui. On est dans le soin. Mais... C'est un soin qu'on apporte. Donc tu te poseras jamais la question de la clause de conscience si tu es dans le soin. Ben tu oui, te diras, je soigne, point barre. Ben oui. Donc je fais. J'ai pas d'état d'âme par rapport à ça. Tu te demandes pas si tu dois fermer une plaie ou pas. Tu la fermes. Tu n'as pas d'état d'âme. Ben oui. Parce que tu es dans le soin. Tant que l'IVG n'est pas vu comme un soin. Alors, je pense que c'est toujours un peu un droit à part. C'est encore pas aujourd'hui un droit à part entière. En France, on voit bien aujourd'hui que l'avortement ne fait pas partie des politiques prioritaires dans la mise en place des services, dans les politiques des agences régionales de santé. Alors, d'une agence régionale de santé à l'autre, il y a des priorités qui sont données. Enfin, il y a vraiment des agences régionales de santé qui s'organisent pour que l'avortement se passe le mieux possible, qui reprennent à l'ordre les hôpitaux qu'ils mettent en place. Et puis, il y a des endroits où on va vous dire bah, « Que voulez-vous ? C'est déjà tellement compliqué de recruter des médecins aujourd'hui ou de recruter un gynécologue. Bah, si vous ne voulez pas faire d'avortement, ben voilà, quoi. Ce qui est important, c'est que la maternité tourne. » Et je peux venir 9h, c'est... Oui, 9h, mais pas plus. Et pour aujourd'hui, t'as fait une feuille de course ou pas? Je t'en avais pas. Et si, je t'ai donné une feuille pour de potassium. Je l'ai remis ou pas? C'est-à-dire que la loi est absolument indispensable et nécessaire. Et on voit bien que dans les pays où il n'existe pas de loi, l'avortement reste clandestin, devient un vrai danger pour les femmes qui se débrouillent comme elles le peuvent. Danger ou pas danger, parce que les femmes trouvent aussi des solutions pour faire des avortements d'autres façons. L'auto-avortement, c'est quelque chose qui existe aussi. Mais en tout cas, il y a une forte mobilisation autour de ça. Donc la loi, pour moi, est absolument indispensable dans la mesure où elle permet d'organiser les choses de façon égalitaire pour que toutes les femmes y aient accès. Donc là, pour le cours d'aujourd'hui, ça vous fait 15,73 euros. C'est la part mutuelle. Oui, je vous donne la facture. C'est pas envoyé automatiquement. L'explosion du nombre d'objecteurs de conscience a des conséquences dramatiques. Il y a 2 ans, en Sicile, une femme est morte parce qu'aucun médecin n'a accepté de mettre un terme à sa grossesse malgré le danger qu'elle courait. Ho detto, dottore, ma guarda che mia figlia sta troppo male. Ha controllato, dice signora, fino a quando battono i cuoricini. Elle s'appelait Valentina Miluzzo, elle avait 32 ans. Io non posso fare niente perché sono un obiettore di coscienza. Dopo ore di questa agonia, fanno... nascere la prima bambina. J'ai dit au médecin, ma fille va vraiment trop mal. Et il m'a dit, Tant que les deux petits cœurs battent, je ne peux rien faire, car je suis objecteur de conscience. Après des heures de ce calvaire, ils ont fait naître la première petite fille, et ils nous la présentent, elle était morte. Ma fille continuait à dire « Libérez-moi, libérez-moi ». Je leur ai dit « Faites sortir le deuxième et libérez ma fille de cette situation ». Et il me répète, tant que le cœur bat, nous ne pouvons pas intervenir. Non, si comportandosi da obiettori, l'hanno fatta morire perché poi abbiamo saputo che i bambini erano già morti. Quindi quali cuoricini sentivano questi dottori? Quali? È giusto. Spagna e da altri paesi on parle di objection de conscience, obiezione di coscienza, conscientious objection, on parle de refus de réaliser les IVG. Anthropologue et chercheuse responsable d'un projet de recherche européen. Je parlerai de la recherche que j'ai menée en Italie en 2011 avec une bourse postdoctorale Marie Curie. Sur l'expérience et les opinions des gynécologues et d'autres professionnels de santé sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse et la clause de conscience. Ceci, c'est un droit qui est reconnu aux professionnels de santé, aux médecins, par des conventions des droits humains et des associations médicales. Pourtant, des associations comme la Fédération internationale de gynécologie ont souligné que c'est un droit secondaire à l'obligation de soigner, bénéficier, prévenir la souffrance des patientes. Donc il y a beaucoup de débats scientifiques et éthiques autour de ça. L'avortement est considéré le cendrillon de la gynécologie, c'est le travail sale, comme on disait, que personne ne veut faire, et ce n'est pas valorisé. Donc là, il y a une question liée à la stigmatisation et aux relations de pouvoir dans les hôpitaux. On pourrait voir si ou le chef de service, par exemple, est objecteur ou objectrice, il y a plus d'objecteurs qui est dans les autres hôpitaux. Il y a un débat aussi légal au niveau de l'Union européenne. Dans certains pays comme la Pologne, qui a une loi très restrictive sur l'IVG, comme l'Irlande et Malte, ont été condamnés par le tribunal européen pour les droits de l'homme car des femmes qui devaient pouvoir réaliser une interruption de grossesse car elle était légale dans ces pays ont été refusées par plusieurs hôpitaux et donc voilà, ces cas sont arrivés au tribunal européen pour les droits de l'homme. Et le Conseil d'Europe récemment a déclaré que même si c'est un droit des professionnels de santé, ce service doit être garanti dans les pays où l'IVG est légal, dans les cas où elle est légale. En rentrant de vacances le 2 janvier, j'ouvre un courrier personnel qui m'était adressé. Et là, je lis, alors ça commençait très gentiment, c'était de la part d'un confrère médecin. Cher collègue, vous vous occupez des femmes victimes de violences et votre action est très louable. En tant que médecin chrétien, donc je me dis, oh, ça dérape, je considère que l'avortement est une violence faite aux femmes. Et il concluait par Joyeux Noël. Reda Atem. Et j'avoue que je suis restée comme de ronflant. Gynécologue obstétricienne de la Maison des Femmes de Saint-Denis. Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est vraiment l'expression d'une revendication personnelle. Juste avant, il disait « Il ne faut pas régler les problèmes par des problèmes plus graves encore ». Donc ça dit bien sa pensée que l'IVG est un problème très très grave et qu'il ne peut en aucun cas, ça ne peut être une réponse même à la détresse d'une femme qui serait enceinte alors qu'elle ne le souhaiterait pas. Et ça m'a paru un raisonnement particulièrement inquiétant de la part d'un médecin. Il arrive aussi qu'on me renvoie à cette image de médecin assassin, de tueur d'enfants. C'est très présent chez les jeunes et ça m'inquiète beaucoup. Parce que moi, j'aurais imaginé très très très bêtement que pour eux, c'était devenu non seulement une évidence, mais un droit aussi simple que celui d'avoir des antibiotiques quand on avait une infection. Et bien, pas du tout. Et même des gamines qui sont capables de je sais pas, 14 ans, de me dire, mais si elle est enceinte, elle a qu'à assumer. Elle avait qu'à pas coucher. Et je mets à peu près 2 heures pour les détendre et les amener à se dire, bon, alors, elle a couché, ok, c'est quand même avec un garçon, donc je sais pas pourquoi s'il y a qu'elle qui assumerait. Lui, ça n'a aucun impact sur sa vie. Elle va être enceinte, elle va accoucher, elle va être confrontée à l'opprobre, elle va arrêter ses études parce qu'il ne faut pas rêver. C'est assez incompatible. Et que finalement, elle va être une petite chose dépendante et tout. Et je vois à la fin de la séance que peut-être je les ai ébranlés. Mais peut-être. Même si je ne dis pas que c'est comme de prendre un cachou, non. Il y a une réflexion en amont, il y a un choix. Mais là, je trouve que le retour de bâton est assez surprenant. Enfin, si, il y a ce retour aux valeurs, ce retour aux communautés, puisqu'on a la même chose dans la virginité. Donc, dans les populations maghrébines, j'ai régulièrement des demandes de réfection d'hymen. Chez les catholiques, il y a le mouvement PAM, pas avant le mariage, qui me fascine. Et ça aussi, je pensais pas que ça redeviendrait une valeur. Je me préserve, je garde ma virginité pour l'homme de ma vie. Chair, a table, a lamp. Window with white curtains. What is behind that curtain? My name is Offred. I had another name, but it's forbidden now. So many things are forbidden now. We're here for a very simple reason: to defend the right of every child, born and unborn, to fulfill their God-given potential. When we see the image of a baby in the womb, we glimpse the majesty of God's creation. When we hold a newborn in our arms, we know the endless love that each child brings to a family. When we watch a child grow, we see the splendor that radiates from each human soul. And we declare that mothers are heroes. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. Quand on remet en cause le droit à l'avortement, Camille Froidevaux-Métairie réassigne les femmes. Philosophe, au poids, féministe et professeur de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Reims. De contrôler leur capacité maternelle, eh bien, on les rabaisse à nouveau, on les réenferme dans cette condition soi-disant naturelle, et on les prive en fait de ce statut d'individu de droit, statut abstrait qu'elles ont conquis tardivement, et donc sans doute aussi, c'est ce qui explique sans doute aussi que c'est fragile. Et alors, c'est une menace qui n'est pas comme ça purement théorique, hein, puisque aujourd'hui même, pendant que je parle, il se trouve qu'aux États-Unis, le président Donald Trump a décidé de marcher aux côtés de ceux qui luttent contre le droit à l'avortement, de ceux qui veulent remettre en cause la jurisprudence de la Cour suprême américaine. Et ça, à l'échelle de l'histoire américaine, c'est vraiment un coup de tonnerre, parce que pour qu'un président prenne ainsi publiquement aussi nettement position contre le droit à l'avortement, c'est une première, et on a de fortes raisons de s'inquiéter de ce que ce droit soit remis en cause. Enfin, c'est déjà le cas, quand on regarde dans le détail des différentes législations qui sont prises au niveau des États. Et des juges qui rentrent, bien sûr. Voilà, la Cour suprême est désormais à majorité conservatrice depuis la nomination confirmée du juge Kavanaugh. On sait très bien que le contexte à la fois institutionnel et politique est très propice à une remise en cause de l'arrêt Roe versus Wade de 1973. Alors, au jour d'aujourd'hui, il est attaqué de toutes parts par des lois au niveau des États fédérés qui rendent, par exemple, les conditions d'accès au droit à l'avortement extrêmement difficiles, en posant par exemple des conditions drastiques en termes d'hygiène et de sécurité aux cliniques et ce qui les oblige à fermer. On sait que depuis une vingtaine d'années, 40% des cliniques qui pratiquent l'avortement aux États-Unis ont dû fermer du fait des contraintes qui pèsent sur elles. Mais ces restrictions, elles concernent à chaque fois, disons, le niveau local, les États fédérés. Jusqu'à présent, on n'a pas encore touché au fondement, c'est-à-dire à l'arrêt de 1973. Le bras s'arrête en train de décéder. Si vous avez envie de bailler, vous pouvez le faire dans le masque, c'est pas gênant. Voilà. On laisse reculer les épaules un petit peu dans la salle, le dos. I was asleep before. Now I'm awake. I love you. Please think about what you're doing today and not do that. These babies don't want to die today, Colleen. When I started out, I thought abortion would just be part of my practice. That, you know, just like people need hysterectomies, people need abortions, and I will take care of my patients who need those. Wake up, love. But I realize that in conservative states, it can be very hard to get an abortion. And so I became a physician who really focuses. Quand j'ai commencé, j'ai cru que l'avortement ferait partie de ma pratique, au même titre que l'hystérectomie. J'ai vite réalisé que dans les États conservateurs, l'accès à l'avortement peut être très difficile. Je me suis donc spécialisée dans les soins liés à l'avortement. J'habite Saint-Louis, mais 3 semaines sur 4, je suis en déplacement. Lundi et mardi en Oklahoma, vendredi, samedi, retour à Saint-Louis. Le lundi suivant à Wichita, qui est l'un des endroits où je pratique des avortements. They kill people for a living here. We cannot stand by and say, well, we're just going to let that happen, or it's the woman's choice, and so on. Extrait du documentaire Roe versus Wade, la véritable histoire de l'avortement, cas, de Hans Sandberg et Ricky Stern. On va en parler parce que ce sera jamais gagné. I'm happy with what we're doing, and I'm going to continue doing it. We're going to win. I'm a big-time Trump supporter, and we're going to win this. Estamos orgullosas de estar dando este paso después de un siglo. Extrait du film Femme d'Argentine, Que se a ley, de Juan Solanas. Es el siglo de los derechos de las mujeres. Más tarde o más temprano. Le droit à l'avortement, c'est beaucoup plus en fait que la simple maîtrise par les femmes de leur corps procréateur. De mon point de vue, c'est une vraie rupture anthropologique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour les femmes, à nos mères et à nos filles, que l'avortement soit légal, sûr et gratuit, que ce soit loi. À las mujeres en sus casas, a nuestras madres y a nuestras hijas. Que l'aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Alors, si on touche au droit à l'avortement, en effet, on touche au socle même, c'est-à-dire même pas à la démocratie, mais au principe fondateur de la démocratie, qui est la définition d'un sujet juridique abstrait qui se définit abstraction faite de toute spécificité. C'est-à-dire que quand un citoyen dépose son bulletin dans l'urne, qu'il soit une femme ou un homme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il soit blanc ou noir, peu importe, son bulletin sera considéré comme rigoureusement le même, l'égal de tout autre bulletin. C'est ça le principe de l'abstraction juridique des citoyens en démocratie, qui permet de penser l'égalité des femmes et des hommes, parce que, précisément, il s'agit de faire en sorte, j'allais dire, comme si ces individus n'avaient pas de corps. Les droits contraceptifs ont fait entrer les femmes pleinement dans la modernité démocratique parce qu'ils les ont redéfinies en quelque sorte en permettant de penser la condition féminine indépendamment de l'ancien destin maternel. Donc les femmes sont devenues pleinement des sujets de droit dont on pouvait penser l'existence sans nécessairement la raccrocher systématiquement à la maternité et à l'enfermement domestique. Comment vous vous positionnez, vous, Véronique Seyé, par rapport à la clause de conscience ? Nous pensons que cette clause de conscience spécifique doit clairement être supprimée. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est un frein, clairement. Et puis, ça, ce qu'elle veut dire, c'est que c'est pas aux femmes de décider. C'est que c'est le médecin qui peut autoriser ou ne pas autoriser. L'avortement, si vous prenez un pays comme la Suède aujourd'hui, si vous êtes gynécologue ou sage-femme, vous vous engagez à prendre en compte la santé des femmes dans sa globalité. C'est-à-dire que vous savez que vous allez pratiquer des accouchements, que vous allez prescrire des contraceptions, que vous allez soigner des femmes pour des cancers, enfin pour des infections, pour tout ce qu'on veut, et vous ferez des avortements. Et si vous ne voulez pas faire ni des avortements, eh bien vous choisissez une autre spécialité médicale. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Voilà. On peut passer ses études entières sans entendre parler de l'avortement. Sans entendre parler de l'avortement ou en en entendant parler de façon pas toujours très positive. Peut-être que si dans les formations médicales aujourd'hui, on parlait de l'avortement d'une autre façon, comme faisant partie vraiment de la santé des femmes, en disant qu'une femme sur trois sera concernée dans sa vie, peut-être aussi que les médecins changeraient de regard sur l'avortement. Donc je crois qu'il ne faut pas diaboliser non plus toute la formation médicale, mais je pense qu'on a aussi, j'ai envie de dire, les médecins qu'on mérite. Oui, il y a bien sûr des résistances. Elle vient de l'histoire, déjà. L'histoire du positionnement des médecins. Donc il y a un corps médical qui a toujours mis de côté l'avortement. On est formé pour défendre la vie, pour soigner, pour guérir. On n'est pas formé pour... C'était le grand leitmotiv. On n'est pas formé pour donner la mort. C'est dit comme ça s'agissant de l'avortement. On n'est pas formé pour donner la mort. Bon. On parle d'embryons, on parle de cellules, on voit déjà ce qu'il y a de profondément ancré. Le positionnement du président du SINGOF, le syndicat qui rassemble la profession au sein de ce syndicat, Monsieur de Rochambeau, ce médecin qui représente une profession, affirme tranquillement dans un pays démocratique où il y a une loi que l'avortement est un crime. Ça choque quand même. Un des actes qui est le plus grave pour la santé maternelle, un des actes le plus dangereux pour elle, au plan mondial, du fait des avortements clandestins, c'est l'avortement. Et les gynécologues obstétriciens estiment que ça ne fait pas partie de leur champ de compétences. Alors les résistances, pourquoi tant de résistances des médecins ? Donc il y a toute cette histoire qui fait que c'est très profondément ancré. Et je crois que la volonté politique, elle est là, mais elle est timide. C'est-à-dire qu'elle va jamais, elle est forcée, puisque la loi comprend dans son énoncé la question de la clause de conscience. C'est-à-dire que on autorise un acte pour des raisons de santé publique, parce qu'on sait sinon ce qui va se passer, que les femmes vont avoir des conséquences sur le plan de leur santé si on ne prend pas en charge mieux cette question de l'avortement. Mais en même temps, on n'oblige pas un professionnel, notamment des gynécologues, à réaliser un acte de santé publique dans le cadre de leur exercice professionnel. Aïcha, c'est terminé. Ça s'est bien passé. C'était la série documentaire « Avortement, le pouvoir du médecin ». La clause de conscience. Johanna Bedeau, Angélique Thibault. Avec Marie-Laure Brival, Nathalie Bajos, Véronique Seyé, Maude, Camille Froidevaux-Méthéry, Reda Sissala, Anne Bourguin, Corinne Palais, Reda Atem, Sylvia Desordeau. Merci aux infirmières et aux anesthésistes de la maternité des Lilas. Merci au docteur Zonga et aux femmes du planning familial de Maison Alfort. Merci à Lina pour les archives, à la documentation de Radio France, à Annie Signoret de la Bibliothèque centrale de Radio France, prise de son Nicolas Mathias, mixage Bruno Mourlan, un documentaire de Johanna Bedeau et Angélique Thibault pour la série documentaire. Thank you.